Acte deuxième. Un salon modeste. Au fond, un peu sur la droite, une porte à deux battants. À droite, une porte latérale. À gauche, une croisée, distinguée à travers la mousseline du rideau qui la masque. Au fond aussi, face au public, une armoire de chêne. À gauche, Adèle qui travaille, et près d'elle, un guéridon supportant une corbeille à ouvrage et une lampe à vaste abat-jour. À droite, assis sur une chaise longue, André en culotte et veston, astique à l'aide d'une peau de daim la trompe de sa bicyclette. C'est pour la paix que mon marteau travaille. Loin des combats, je vis en liberté. Je façonne l'acier qui sert pour la semaille et ne forge le fer que pour l'humanité. André. Pardon. André bondit sur ses pieds et en un clin d'œil va se blottir dans l'armoire dont il ramène sur lui les battants. Ceci sans avoir dit un mot. Adèle, elle, est venue à la porte du fond, puis à une autre porte, qui est celle du palier, et qui laisse voir l'encadrement de la première. Elle ouvre. Mademoiselle Tambour. C'est au-dessus. Merci, madame. Quelqu'un qui se trompe. C'est tout. Toujours sans ouvrir la bouche, André vient reprendre sur sa chaise longue sa position et son ouvrage, tandis qu'Adèle, près du guéridon, reprend sa chaise et ses ciseaux. La scène redevient exactement ce qu'elle était au lever du rideau. C'est pour la paix que mon marteau travaille. Vois les combats, je vise en... Pardon. Zut. Monsieur Trouille. C'est au-dessous. Oh. Merci, madame. Quelqu'un qui se trompe. Encore? Non, mais ça va durer longtemps. Non, mais prends-t'en à moi pendant que tu y es. Je ne m'en prends pas à toi. Si. Je dirais même que depuis quelque temps, tu as une fâcheuse tendance à m'imputer des responsabilités dans lesquelles je n'ai rien à voir. Oh. Et à me faire payer les erreurs des personnes qui se trompent d'étage. Tu trouves? Oui, oui, je trouve. Eh bien, sache-le. Cet état de choses ne m'est plus supportable. Ce buffet maigrit. D'abord, c'est un bahut. C'est juste. Je fais mes excuses. Et puis toi aussi, sache-le, tu es profondément injuste. Et avec moi, qui fais des miracles, tu le sais bien, pour écourter autant que possible tes heures de captivité. Et avec ce bahut, qui te donne une hospitalité relativement confortable. En somme, quoi? Tu as de la lumière dans ce bahut, hein? Une chaise pour t'y asseoir, une table pour y lire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une pièce d'eau? Ah, que voilà donc bien les exigences des hommes. Et que voilà donc bien surtout les exagérations des femmes. Il ne s'agit pas de pièces d'eau. Il s'agit que mes parents ne m'ont pas donné la vie pour que je la passe dans un bahut. Mmh. Sois sincère, voyons. Est-ce vrai? Autre chose, s'il est déplorable au point de vue de la commodité, ce meuble est excellent au point de vue de l'acoustique. Si bien? Si bien que le silence de ma solitude y est de temps en temps troublé. Par des échos fort importuns dont je me priverais, je te prie de le croire, le plus facilement du monde. Enfin, je t'aime, après tout. Pauvre chat. Ah, le buffet de la salle à manger n'avait pas cet inconvénient. Non, mais il en avait un autre. J'en sortais imprégné d'odeur de nourriture qui se cramponne à ma personne avec une ténacité au-dessus de tout éloge. Au point que je ne pouvais plus mettre le pied dehors sans me buter à des gens de connaissance qui me humaient comme un plat. Et finissaient par s'écrier « C'est curieux depuis quelque temps comme vous sentez la poire cuite. » Je sais que cela est fort plaisant. Seulement, je te le répète, je commence à avoir plein le dos de cette existence de lapin perpétuellement aux aguets et qui ne sort de son terrier que pour s'y reprécipiter à la première alerte. Ma dignité y reste. Et ma confiance aussi. Ta confiance en qui? En toi. Conclusion aussi flatteuse qu'inattendue. Elle est logique. Raisonnons. Voilà 8 ans que cette plaisanterie dure. 8 ans que tu bernes grossièrement... À ton profit, je te ferai observer. Un brave garçon qui, après tout, ne t'avait pas prise de force. Mmh. Et à l'accomplissement de cette tâche, tu as déployé, cher enfant, une telle intelligence que tu m'envoies épouvanter. Tu vas peut-être me reprocher de sacrifier à notre amour cet imbécile de Boubourache. Non. Mais quand j'envisage les trésors de Rorik, d'audace tranquille, de sournoiserie ingénieuse que tu as dû jeter par les fenêtres pour mener à bonne fin une mauvaise action, j'en arrive à me demander si je ne suis pas, moi aussi, le boubouroche de quelqu'un. Et si une femme assez adroite pour cacher un second amant à un premier en le logeant dans un bahut, n'en cache pas au second un troisième en le fourrant dans un coffre à bois. André! Tu n'empêcheras jamais les gens qui aiment d'être jaloux. Tu n'as pas à être jaloux de moi. Je ne t'accuse pas. Tu me soupçonnes. À peine, ma parole. Mais c'est encore 1000 fois trop. Mais qu'ai-je fait? Où est mon crime? Je t'ai préféré à un autre, après. Or, cet autre, je le connais. Tu ne pèserais pas lourd dans ses doigts. Et si j'ai eu assez d'adresse pour empêcher que tu y tombes, tu devrais t'en féliciter. Au lieu de marchander bêtement, comme tu le fais, les moyens dont j'ai dû me servir. Je n'ai pas peur de lui. Un homme en vaut un autre. Oui, eh bien, qui nous pince? Il nous pincera. Jamais. Tais-toi donc. Je te dis que nous sommes pincés. Oh. C'est sûr. Oh. Bon. Mais tu verras. Bon, du reste, ce ne sera pas aujourd'hui. 9h30 dans un instant, Bouboroche ne viendra plus. Nous nous couchons. Ce serait peut-être pas prudent. Attendons encore 10 minutes. Si tu veux. Cette fois, c'est lui.